Chapitre 27e. Madame Trevenoc et Florence répondent promptement à l'appel de Barbara. « Ainsi donc, mademoiselle Penrose est ici, et nous allons jouir de son aimable société, » dit Florence à sa sœur, le soir même de son arrivée, en déballant les belles robes qu'elle a fait faire à Camberwell sur les derniers modèles de Paris. « Oui, ma chère, et j'espère que tu seras polie pour elle. »« Polie ? Oh, ce n'est pas assez. Je compte ne lui adresser la parole qu'à la troisième personne. Oserais-je, madame ?» Oui. Madame me permettra-t-elle? Oui. N'est-ce pas abusé, madame? Si tu veux te moquer d'elle, tu ferais mieux de ne rien dire. C'est une demande impossible. Je ne suis pas méchante, mais quand on m'attaque, je me défends. En tout cas, j'ai en ce moment une question très sérieuse à t'adresser. Qu'est-ce? Demande Florence avec une impression nerveuse. Le major Leland est en Angleterre. C'est là ce que tu appelles une question? Moi, j'appelle ça plutôt une assertion. Il est en ce moment dans le Cornouailles, je l'ai vu. Et comment va-t-il? L'Inde lui a-t-elle profité? Écoute, Florence, il faut que tu me dises où tu as mis à la poste la dernière lettre que j'ai écrite à George Leland. Le sort du capitaine et le mien dépendait de cette lettre. Et s'il l'avait reçue, vous seriez sans doute mariée? Oui. Il me semble que tu n'as pas à regretter ce mariage. Quelle différence de position! En effet, car j'eusse été heureuse et je ne le suis pas. Tu ne comptes pour rien d'être la châtelaine de ce beau domaine. C'est quand on habite un palais qu'on soupire après une chaumière. Ce n'est pas le capitaine Leland qui t'aurait donné 600 livres par an. Ce n'est pas là la question. Qu'as-tu fait de ma lettre? Es-tu bien sûr de l'avoir mise à la poste? Je suis au contraire absolument sûr de ne pas l'y avoir mise, dit Florence en se jetant en pleurant aux genoux de Barbara. Je ne puis me résigner à te tromper. Je l'ai perdue. Voilà la vérité. Nous avons cru, maman et moi, il valait mieux ne pas t'avouer ce qui en était, et de cela il est résulté que tu es aujourd'hui Madame Penrose. Y a-t-il tant lieu de le regretter? Ah, malheureuse! Sans toi, je serais Madame Leland, s'écrie Barbara en cachant son visage pâle et défait dans ses deux mains. Et ma mère était de moitié dans cette trahison. Ah, c'est trop cruel. Est-il possible qu'elle, si tendre, si bonne, m'ait vouée ainsi au désespoir? Elle avait peur pour toi de la pauvreté. Et pour elle aussi, sans doute. Moi, j'aurais épousé le Grand Turc pour donner la sécurité à ma mère dans ses vieux jours. George Leland n'eut rien épargné pour lui donner le bonheur. Qui n'a pas de bonheur n'en peut donner aux autres. Vous lui aviez envoyé à grand-peine 10 livres sur vos économies. Bonsoir, Florence, dit Barbara à sa sœur qui s'endort en se croyant pardonnée. La présence de Florence à Penrose Place ne contribue pas à entretenir le calme dans le cœur de Mark. Certains échos répètent à Mariette que la société de cette belle personne paraît très agréable à Mark et qu'elle fait chaque fois plus de frais pour lui. Néanmoins, Florence n'est pas encore arrivée à ses fins, c'est-à-dire à se faire prêter par Mark le fameux cheval Pepper and Salt qui est l'objet de ses convoitises. En attendant, elle s'ingénie à dissimuler sa présence à Mademoiselle Penrose et déborde des romans derrière un paravent ou une jardinière. Barbara, de meilleure composition que Mark, prête son panier et ses poneys à Florence, qui conduit avec une sûreté de main et un aplomb surprenant ce galant petit attelage. « Quel talent la nature vous a donné ?» dit Madame Trevenoc à sa fille. « Ils n'ont pas été développés par l'éducation, mais ils n'en valent pas moins, n'est-il pas vrai ?» À défaut de Pepper and Salt, Vivien met à la disposition de Florence ses meilleurs chevaux de selle. N'ayant peur de rien, elle monte en écuyère consommée et elle finit par si bien entortiller Marc qu'il lui prête enfin le cheval qu'elle ambitionne depuis si longtemps, pour gravir la falaise et les hautes montagnes qui bordent l'horizon.